Une fois qu'ils sont installés, je me fais une crèche comme celui-là. Tu vas ça. Et moi, il y a été en direct. Moi, je te dis ça, de ce que j'entends. Oui, moi, c'est mon retour. Moi, je ne connais pas le sujet. Hein. Et...